Un petit enregistrement parce que je suis bloquée et que je sais pas comment faire sortir tout ça et que j'ai besoin d'appeler des amis qui vont pas bien, donc j'ai pas envie de balancer les choses qui vont pas pour moi sur des personnes qui elles aussi ont des problèmes et que c'est le bordel, et que moi en fait c'est pas grave du tout, c'est juste un ras-le-bol quoi. En fait hier j'ai reçu en même temps un mail de mon avocat censé me défendre dans l'affaire du JDD ayant volé une de mes photos, enfin publié une de mes photos, sans avoir enquêté sur les sources qui lui avaient été données, à savoir la gendarmerie qui lui avait fourni un dossier. Et du coup, le JDD qui reprend la communication de la gendarmerie en disant plein de conneries et en faisant dire aux photos ce qu'elles ne disent pas, absolument pas, et voilà. Voilà. Et donc, mon avocat est censé me défendre et après avoir été plutôt quelqu'un qui me semblait fiable, c'est-à-dire que je vais commencer à bosser avec un avocat qui était plutôt mordant, des temps très très très longues, l'envie de tirer un maximum de thunes du JDD, et ça m'allait pas trop parce que j'ai pas envie de rentrer dans un processus comme celui-là. J'avais discuté avec un autre avocat et là et puis ce troisième-là et donc je m'étais tournée vers celui qui semblait avoir le plus de compétences dans le domaine du droit de l'image. Tout en n'étant pas en mode je vais les massacrer, mais plutôt en mode soyons raisonnables, essayons d'être objectifs, essayons de voir ce qu'on peut obtenir, de voir ce qui est décent, de voir ce qui est logique, etc., etc. Et on était tombé d'accord sur le fait de demander non pas 10 000, 15 000, 20 000 euros, mais plutôt une somme correct, qui était 7 500 euros, en se disant on obtiendra, on va essayer d'obtenir au moins la moitié, ce qui nous semblait le minimum quoi, à l'époque. Et du coup, on s'est croisés deux fois, ça semblait aller à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pendant les vacances, mais moi, ça commençait un petit peu à me saouler de ne pas avoir de nouvelles du JDD. Je les ai un peu titillés d'ailleurs sur les réseaux sociaux, en mode il serait peut-être temps que tu bouges tes fesses, parce que là, ça me saoule et que j'envisage sérieusement d'aller jusqu'au procès s'il le faut. Ce que je pense vraiment en plus. Et donc, ils ont donné des nouvelles à mon avocat, en mode non, mais ça va pas, nous, on ne déplacera pas les 2000 euros, qu'est-ce que vous croyez? Ce qui est une somme assez ridicule. Il faut savoir que techniquement, une amie m'a permis de vraiment avoir tous les chiffres qu'il fallait pour faire les corrélations et tout. Techniquement, actuellement, sur le plan uniquement des publications, et non pas de l'aspect moral des choses, mais juste de la publication, le JDD ayant publié la photo et dans sa version papier et dans sa version internet et sur les réseaux sociaux et dans un film que a réalisé pour lui une entreprise qui a fait un petit truc en mode 2 minutes top chrono, je vous fais bien peur avec des photos qui n'ont aucun rapport. En l'état actuel des choses, normalement chacune de ces publications doit être multipliée par deux, enfin le tarif de chacune de ces publications, qui est forcément séparée l'une de l'autre et doit être multipliée par deux. Et en l'état actuel des choses, en fonction du tirage du JDD, du taux de visite de son site, de son impact sur les réseaux sociaux et des tarifs communément pris en référence, qui sont les tarifs de l'UPP ou le PC, pardon. Le JDD devrait à minima être à 1 100 euros. Ça, c'est vraiment le strict minimum, c'est-à-dire, genre, il s'est rien passé, hors le fait que il y a eu un accord immédiat, chose qu'ils ont essayé de faire, par téléphone, eux, et moi, je voulais un accord par mail. Le premier mail que j'aurais envoyé était très respectueux, je m'adressais à la. Je m'adressais à la personne en charge de... à l'iconographe, voilà. Je m'adressais à l'iconographe en lui disant, écoutez, bon, voilà, il y a une boulette. Clairement, moi, voilà, j'ai été obligée de démonter l'affaire sur les réseaux sociaux. Maintenant, on peut peut-être poser les choses tranquillement. Qu'est-ce que vous me proposez? Et j'étais vraiment à ce moment-là dans une idée d'être sur le tarif UPP multiplié par 2, UPC multiplié par 2, à savoir entre 1000 et 1500 euros, plutôt 1500, voilà, ça me paraissait une base de négociation, mais je voulais une négociation écrite. Il était hors de question, j'ai pas suffisamment de compétences, j'ai pas suffisamment d'aplomb, malgré tout ce qu'on pourrait croire. Et puis je connais très bien le business pour l'avoir pratiqué pendant des années en boutique, donc je connais la vente et je connais les processus de vente et de négociation, je les connais très bien. Du coup, pour savoir que non, ça ne se passerait pas par téléphone. Or, ils ont été. Voilà, en fait, à chaque fois qu'il y a eu un contact avec le JDD, à chaque fois, moi, je leur ai dit, en fait, vous déconnez. Donc là, j'attends quelque chose de raisonnable d'autre part. Et à chaque fois, ils m'ont fait un plan. Non, mais tu te prends pour qui? Nous, on va te faire un truc encore moins. Du coup, moi, à chaque fois, ça m'énerve, donc je demande encore plus. Ce qui me paraît assez logique, hein, puisque ça me fait perdre du temps, de l'énergie, qu'à chaque fois, il faut quand même qu'il soit conscient de ça, qu'à chaque fois que je pense à cette affaire. À chaque fois, ce que ça fait ressurgir, c'est des plaies immenses. Ce sont. C'est ça qui me fout en l'air, c'est qu'en fait, eux, ils n'en ont rien à foutre, c'est juste une histoire de thunes, de mépris, et qu'en fait, ce truc-là, il est super violent à recevoir parce que je sais qu'ils ont tort. Parce que je ne suis pas méprisable, pas plus que la moindre personne sur la ZAD n'est méprisable. Parce que leur satané article a été vanté par Castaner le jour même comme étant la raison qui va déclencher la guerre sur la ZAD. Parce que cette guerre, elle a eu lieu et que beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce que ça a été. Parce que y a des personnes qui se sont fait défoncer leur vie et pas seulement juste une cabane broyée, quoi, mais vraiment défoncer leur vie, parce qu'il y a plein de blessés actuels, et pas que dans leur chair, qui ne sont même plus à la ZAD, parce qu'on s'est entre-déchirés, parce que tout ça, parce que la personne qui... Parce que une des photos qui montrait un puits, soi-disant, qui était une cache d'armes, des trucs façon Vietnam et compagnie, en fait, c'est une des personnes les plus douces et les plus reliées à la vie et au monde qui soit, parce que ce coin-là, c'était quasiment le paradis. Enfin, ça s'en approchait, ça nous faisait un bien fou. On allait tous et toutes là-bas parce que ça nous faisait vraiment beaucoup de bien, que ça nous ressourçait, vraiment. Que c'était une source, ce puits, et non pas une cage d'armes, que c'était un endroit magique, que j'ai croisé Alex enfin avant-hier, c'est-à-dire juste la veille de recevoir ce mail détestable et en plus de recevoir un énième courrier de la CAF qui me fait un coup de pression encore en mode « Oui, vous dites que vous travaillez, mais en fait, vous déclarez pas de revenus. » Bah non, je suis désolée, mes photos, elles intéressent pas les gens. Mes photos, c'est juste du témoignage direct, en fait. Et ça intéresse absolument pas les médias et les mainstream, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'en fait, quand ils s'y intéressent, c'est pour leur faire dire n'importe quoi, en fait. Et là, je reçois ce truc de... Je reçois ce courrier du JDD, enfin, ce truc-là, qu'ils veulent me faire signer, comme quoi ils me donnent, allez, une somme, soi-disant, intéressante, tu parles. Moins de 3000 euros, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, quoi? En enlevant les frais des avocats et tout, de l'avocat, tout ça, l'avocat qui fout rien en plus, qui est en mode ah, oh mais en fait, c'est très bien, tu parles, il y a des clauses. Alors, déjà, il y a des choses qui sont fausses dans ce truc. Ils mettent le deuxième titre de l'article, alors qu'en fait, le premier titre, c'était les photos secrètes de la ZAD. Ta-da-da. Et parce que je les ai épinglées sur le web, ils ont rectifié le tir assez rapidement parce que l'épinglage était tellement percutant que. En fait, ils n'avaient pas trop le choix, donc ils ont été obligés de modifier le titre, ils ont été obligés de retirer la photo immédiatement et tout. Effectivement, ça n'a été en ligne que 2-3 jours pour ce qui est de l'article de merde, mais enfin, des photos qui... Mais l'article, il est toujours en ligne, mais l'article, il dit que des conneries, en fait. Alors, voilà, quoi, c'est... Je suis super vénère, quoi. C'est C'est tellement indécent, c'est tellement la honte pour eux. Et avec cet avocat, en fait, j'ai perdu tout moyen de pression parce qu'en fait, au fur et à mesure, il a accepté d'aller. Enfin, il sait même pas au fur et à mesure, c'est pas vrai, il a accepté tout de suite, en fait. Il a même pas. C'est même pas battu, que dalle. En fait, il en a rien à foutre, ça va lui faire une somme dérisoire pour lui. Cette somme dérisoire, moi, c'est ce qui me permet de vivre à moi, par exemple. La somme dérisoire qu'il va toucher, moi, c'est mon RSA et mes allocations logement. Hein, c'est un mois de vie pour moi, sa petite somme dérisoire, tu vois. C'est un mois, quoi. Ils sont tellement indécents, quoi. Et du coup, dans ce truc, dans ce contrat que je suis censée signer, mais c'est hors de question que je signe ça, je préfère même. J'aurais pas dû, en fait, imaginer ce que j'allais pouvoir faire avec une somme qui tombe comme ça de droits, etc. Et j'ai imaginé des trucs qui sont. J'ai imaginé que je pourrais retourner au Mexique pendant un moment, aller à Atenco, aller sur des endroits comme ça pour pouvoir continuer à bosser sur le rapport entre le combat des personnes qui sont proches de la terre, qu'elles soient indigènes ou qu'elles soient. Enfin, de toute façon, on est tous plus ou moins indigènes, sauf que la société dans laquelle je vis actuellement en France, à Nantes, nous est totalement désindigénisés. Je ne sais pas comment on dit ce truc-là, mais voilà. Bref, je suis en train de m'égarer. Mais voilà, j'imaginais de faire ça. J'imaginais d'aller sur des lieux de nuit en France, croiser des gens qu'en fait je ne croise que virtuellement et que j'ai trop envie de les rencontrer. J'imaginais que j'allais pouvoir aller voir ma mère, en fait, aussi, qui habite, qui est entre Grenoble et Lyon, et qu'en fait c'est la galère pour aller la voir. Et même si effectivement on est super distante, machin, tout ça et tout, j'ai envie d'aller la voir et j'ai envie d'y aller, voilà, avec mes propres moyens. D'habitude, c'est la famille qui est obligée de payer pour que je puisse la voir. Enfin, c'est, je sais pas, c'est un truc, c'est un peu normal, quoi. J'imaginais que j'allais pouvoir enfin m'acheter peut-être pas un frigo parce que voilà, c'est trop compliqué, mais au moins une glacière parce que voilà, ça fait je sais pas combien de temps que je vis même sans glacière parce que une glacière 40 euros, je peux pas me le permettre. Mais une glacière, je prends que des choses d'occasion, attention, hein. J'imaginais que j'allais peut-être pouvoir faire un truc par rapport au chauffage que je ne mets plus parce qu'en fait. J'ai tellement pas de sous qu'en fait j'attends d'avoir 12 degrés pour déclencher le chauffage. Et qu'il y a un tout petit chauffage d'appoint de merde qui tire à fond de l'électricité. Et que du coup j'étais en train de me dire, bon alors peut-être que je pourrais me prendre des panneaux solaires et puis alimenter un truc de chauffage un peu plus conséquent parce que c'est quand même la galère et tout. Et que en fait l'hiver je perds énormément d'énergie à lutter contre le froid chez moi. J'imaginais des choses comme ça. Voilà, c'est à ça que cette somme dérisoire. Là, pour eux, c'est rien, c'est que dalle. Pour moi, c'est la vie en fait. C'est je sais pas, et du coup, ça me fout dans un truc de j'ai l'impression de subir totalement. Et en fait, les personnes vers qui je peux me tourner pour avoir des explications ou des soutiens, c'est des personnes qui sont en train de vivre des trucs qui sont trash dans leur vie aussi. Et on est tous comme ça en fait. Là, ces dernières semaines, c'est encore pire quoi. C'est ouf, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on vit des choses qui sont les prémices d'une guerre, clairement. Enfin, je sais pas comment qualifier ça autrement. Les prémices d'une. Enfin, on est dans. C'est même pas les prémices, on est dans une guerre sociale qui nous étouffe à petit feu. Et en fait, tout le monde se bat dans son coin, se débat dans son coin, essaye de s'en sortir, essaye de respirer un petit peu de temps en temps, et bim, ça recommence et tout. Et là, ces derniers temps, mais c'est. En fait, je crois que ce qui se vit à Calais depuis quelques années, on est en train de commencer à le sentir vraiment vivre aussi à Nantes et tout. Enfin, entre les luttes des exilés, les luttes pour les. Ah, le truc qui tombe, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il faut que j'arrête de toute façon. Bref. Je sais pas par quel bout prendre tout ça et. Ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, là, non seulement je dois me battre contre le JDD, mais je dois me battre contre mon avocat. Enfin, c'est complètement absurde, quoi. Et si je reprends tout. Enfin, voilà, j'envisage de tout reprendre à zéro, parce que franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, quoi. En vrai, enfin, c'est un truc de. Il est hors de question que je signe des clauses de confidentialité ou de je sais pas trop quoi. Enfin, c'est indécent de demander ça, quoi. De demander que jamais je les attaque sur quoi que ce soit, alors que là, on parle juste de l'édition des images. On parle pas du fond, on parle pas du fond moral, et qu'évidemment, pour l'instant, je vais pas faire un procès pour plein de raisons, et que dans l'absolu, je pensais pas forcément faire un procès ensuite, mais qu'on exige ça. en échange d'une somme dérisoire. Non, mais sérieux, enfin, c'est n'importe quoi. Et ça me bouffe de l'énergie, alors que cette énergie-là, je pourrais la mettre ailleurs, que, en fait, là, je crève d'envie de faire un moment où je me pose, où je prends un peu tout ce qui s'est passé depuis, je vais dire 2003, parce que c'est 2003 le moment où je m'y suis vraiment mise, et dans les luttes sociales, et dans la photo, donc dans la photo de lutte sociale aussi, et que là, j'aimerais prendre un temps pour dire autre chose que juste des comptes rendus de manif, parce que je suis pas journaliste du tout, quoi, vraiment pas, et que rentrer dans ce truc d'immédiateté, ça me fait violence tout le temps, quoi. Et là, j'aimerais prendre du temps pour poser les choses, sortir quelques photos du lot de ces milliers et milliers et milliers de photos que j'ai faites et en faire quelque chose de l'ordre de l'œuvre, c'est-à-dire de l'ordre de l'éclat du temps que j'ai pris à ce moment-là, entre 2003 et 2018, sur ces 15 années. Et ben voilà, c'est ça en fait, le tableau de ces 15 années, c'est ça. Et je le vois très bien, je commence vraiment à le distinguer, ce tableau, avec des photos de Nantes, de la ZAD, du zapatisme, des photos de ciel. Je commence vraiment à le voir, ce tableau, vraiment, quoi. Il est hyper puissant et j'aimerais prendre du temps pour me poser. Et je sais pas, cette somme, je me disais, ça pourrait peut-être aussi me permettre de sortir une expo. J'ai plus les moyens de faire des expos. Ça fait des années que j'ai pas fait des expos et ça tombe bien, j'avais pas spécialement envie de le faire non plus parce que c'est compliqué de spectaculariser des luttes sociales et que ça demande plein de questionnements, plein de. Je sais pas, il y a une forme de pudeur quand même là-dessus et tout, quoi. Et pourtant, j'ai envie que ça soit puissant, mais tout en n'étant pas non plus dans un truc de riot porn ou de choses comme ça. J'ai pas envie de rentrer dans un truc de consommation par rapport à la lutte sociale, puisque je me bats contre ça. Je me bats contre le fait qu'on soit juste des humanoïdes consommants, en fait, et qu'on nous résume à ça. Et c'est à ça que ça me renvoie aussi, ce truc du JDD, quoi. C'est peut-être un mal pour un bien, en fait. Peut-être que le fait d'aiguillonner cette blessure, ce sentiment d'être renvoyé à du moins que rien consommant, en fait, bah, peut-être que ça va encore plus me motiver pour le faire, mais pas avec des moyens qui tombent du ciel, une fois de plus, juste en sortant les rames et en ramant à fond, quoi. Ok, bah, ça va être ça. Je commence à, du coup, à percevoir des choses et ok, je vais essayer de trouver une solution. Ah ben ça fait du bien en fait de lâcher tout ça quoi. Mais je continue à être paumée, mais au moins j'ai besoin, voilà, le truc que j'ai besoin, c'est de pas avoir l'impression de subir en fait. Ça ravive des plaies à chaque fois, la sensation de subir. Et là, c'est vraiment à chaque fois, chaque négociation avec le GDD, ça a été ça. Ça a été un mode, en fait, on te donne ça et t'as rien à dire et t'es une merde. Et ben non, en fait, c'est eux qui sont des merdes, c'est eux qui ont raconté de la dope, c'est eux qui continuent à me traiter comme une merde, donc qui sont des merdes. Et j'ai envie de leur renvoyer ça, en fait. J'ai envie de pas être abîmée par ça. Et je suis abîmée par ça de toute façon, mais j'ai envie de leur renvoyer le fait qu'ils m'abîment à chaque fois et que même s'ils en ont rien à foutre, même s'ils me traitent comme une moins que rien, c'est moi quand je me regarde dans une glace, j'ai pas de souci avec ce que je suis et ce que je fais avec eux, vraiment aucun souci. Eux, ils en ont pas, mais parce que pour ne pas en avoir, il faut qu'ils se déshumanisent. Moi, c'est l'inverse, j'ai des soucis, c'est parce que je demeure humaine en fait et que je les renvoie à quelque chose qui n'est pas une entreprise, mais à la part de responsabilité d'humain de chacun d'entre eux. Et je veux absolument retrouver cet équilibre-là. Et c'est pour ça aussi que ça me fait chier. Que dans cette histoire-là, il y a le puits d'Alex, que dans cette histoire-là, il y a Bison Futé et Bison Cramé, comme on dit, et tout ce coin-là. Enfin, cette histoire de c'est le cœur, enfin, c'est pas le cœur, justement, pour moi, le cœur, il était entre le non-marché et la Wardine. C'est là où il y avait le cœur, en fait. Et là, je suis en train d'en parler au passé parce que c'est super compliqué. Parce que voilà, ça fracasse tout, ces histoires de normes et tout, et que je suis totalement paumée. Et peut-être que j'ai besoin de m'éloigner. Effectivement, j'avais besoin de faire ce voyage. J'avais vraiment besoin de le faire et pareil, il va falloir que je trouve une autre manière de le faire, je sais pas. Ça tombe bien ce soir, il y a un truc sur des gens qui voyagent avec un atelier et peut-être que ça va être sous cette forme-là, je sais pas. Je suis paumée totale. J'aimerais faire quelque chose de tout ça. Je me disperse dans tous les sens sans arrêt parce qu'en fait ça attaque de tous les côtés. Du coup, je passe d'un front à l'autre tout le temps. J'ai l'impression de courir tout le temps alors que mon corps il veut pas courir. Et ma tête non plus, quoi. On veut pas courir dans tous les sens, quoi. Je pourrais m'extraire du monde et me poser dans un coin, aller dans une sorte de couvent ou je sais pas trop quoi, un truc où voilà, où je serais couvée, où je serais juste dans la contemplation et dans le ressentir à nouveau le temps tel qu'il est, comme j'ai pu le sentir pendant une semaine à Oventic, et ça m'a fait un bien fou, tu vois, d'être extraite de tout et tellement dans tout, en fait. C'est un truc, et c'est ce que je ressentais aussi à l'Est, c'est aussi ce que je ressentais quand j'allais voir Alex, les rares fois où j'y allais. Ce truc, il était précieux, tu sais, c'est un peu comme le truc que tu dis pas dans le guide du routard, t'en parles pas trop parce que t'as trop, trop, trop envie que ça soit préservé, et c'est ça qu'ils ont détruit, en fait, ici, quoi. Et nous, on fait mine que ça va bien, qu'on est hyper combatif, qu'on va les avoir et tout, mais non, ça va pas du tout, quoi. Si je crois que c'est ça aussi qui nous déchire, c'est qu'on sait très bien, quelque part, que ceux qui sont hyper critiqués actuellement, qui sont appelés les appelos, là, les appelistes ou le CMDO et compagnie, en fait, ils n'ont pas que tort, hein. Clairement, il faut s'organiser. Clairement, il faut. Ou les Nantes révoltées, ils ont raison sur ce côté d'être dans une sorte de vandardise, de vas-y, on t'envoie un gourbi dans la gueule, même si tu nous le détruis dans 4 jours, parce qu'en fait, on est toujours vivant, on n'est même pas mort. Là, sur cet aspect-là, ils ont raison. Le problème, c'est de vouloir nous emmener là-dedans en disant vas-y, on ne montre pas nos blessures. Désolé, on les a, nos blessures. Et moi, j'ai pas envie de les cacher, quoi. Et j'ai pas envie que mes photos, elles soient utilisées pour dire le contraire de ce qu'elles disent. Mes photos, elles montrent aussi les blessures. Mes photos, elles montrent comment on se fait laminer la gueule. Et je crois que c'est important de le dire. Ouh, bah dis donc, il y avait plein de trucs à sortir, quoi. Pour moi, l'unité, c'est pas vas-y, on fait la guerre. Je veux pas aller en guerre. Je vais lutter jusqu'au bout pour pas aller en guerre. Par contre, je veux pas juger les camarades qui le font, quel que soit leur choix, que ce soit de manière organisée, communiste, libertaire, j'en sais rien, machin. J'en ai rien à foutre de toutes ces étiquettes, absolument rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est que l'élan de vie, ce soit ça que je protège. Et l'élan de vie et le lien entre tout, j'ai eu la chance de le sentir une fois vraiment très très fort, ce truc de tout est relié. Ce jour-là, j'ai tout compris, ma vie, elle a basculé. Ce jour-là, il y a eu un truc de, je peux pas trop l'expliquer, une sorte d'illumination ou je sais pas trop quoi, où je l'ai vraiment senti, c'est une expérimentation, c'est totalement interne et externe, d'être totalement intégré et de faire partie et du grand tout et de l'infini petit. Et d'être là-dedans, et que tout ça, c'est un rythme, c'est une pulsation. Et ce truc-là, en fait, c'est ça que j'ai envie de protéger. Alors, comment tu veux que j'aille souhaiter la guerre? Comment tu veux que j'aille fanfaronner pour la guerre? Comment tu veux que j'aille recruter pour la guerre? Par contre, je veux pas me battre contre ceux qui le font, parce que j'estime que à un moment, quand tu te fais défoncer la gueule, l'autodéfense, c'est nécessaire. Mais la guerre et l'autodéfense, c'est pas la même chose. Et je serai toujours hyper vigilante là-dessus. C'est-à-dire que des trucs qui vont prôner la destruction du vivant, et je parle bien du vivant, c'est-à-dire que pour moi, une vitre de banque, j'en ai rien à battre. Un truc qui part en fumée, un véhicule ou je sais pas trop quoi, j'en ai rien à battre. Et j'irai absolument jamais condamner ça, même, je sais pas, je m'en fous de tout ça, quoi. Tout ça, c'est du matériel, quoi. C'est vraiment, mais par contre, se mettre en branle pour aller impacter du vivant quel qu'il soit, ça, je peux pas. Enfin, c'est viscéralement, c'est impossible, c'est interdit dans mon être, dans ma chair, dans tout ce que j'ai ressenti de plus profond, de plus puissant. C'est juste pas possible, quoi. Et c'est en ça que, putain, ça m'a fait un bien fou d'échanger avec Alex encore une fois avant-hier soir, quoi. C'était un truc de, on n'est pas d'accord sur tout, parce que bah, évidemment, on expérimente plein de choses et que sans arrêt, tout ce qu'on a été, ce avec quoi on a été construit, il nous reste des trucs et tout qui nous font encore mal, de plaies qui sont liées à la vie, à la famille, à l'enseignement, à plein de choses, et que on se débrouille mal avec ça, et que par moments, bon, bah ouais, c'est pas. Voilà, on a chacun nos écueils, moi, entre ma terreur de l'abandon, lui, entre d'autres trucs, je sais pas trop quoi. C'est oui, il y a des trucs, mais par contre, le moment où on commence à évoquer cette chose qu'on a ressentie, qui est le religare et le lien entre tout, mais ça dépasse tout, quoi. C'est un truc, c'est. Et c'est pour ça qu'on se bat, enfin, qu'on se bat, non, qu'on se bat pas, c'est pour ça qu'on vit, en fait. C'est totalement chevillé en nous, quoi. C'est ça. Et là, on sait, quand on évoque ces choses-là, ça nous recourage, ça nous regonfle, ça nous transperce, ça nous transporte. Ça, c'est plus fort que nous, et c'est totalement intimement à l'intérieur de nous. C'est du extérieur, du intérieur, du dedans, du dehors, du souffle de la vie, je sais pas comment dire, une étincelle, un truc comme ça, mais vous ne nous transformerez jamais en guerriers. On n'est pas des guerriers, on est des vivants qui se défendent, qui font de l'autodéfense, ça n'a rien à voir, quoi. Mais vous nous trouverez encore sur votre chemin, je suis désolée, on aura beau pleurer toutes les larmes de notre corps, on aura beau être paumé, totalement paumé sur ce qu'on va faire, parce qu'on sait pas où on va, parce que sans arrêt, nos racines, elles sont écrabouillé. C'est même pas que vous arrachez un arbre, c'est qu'en fait non seulement vous arrachez cet arbre, mais en plus vous écrasez la terre, vous la compactez. Et ben malgré ça, on va continuer, quoi. Ici et ailleurs. Parce qu'en fait, ce qui nous relie, en fait, vous reliez avec de l'argent, avec un truc qui est de l'immatériel. Nous, ce qui nous relie, c'est de la sève. C'est de la lave, c'est de la pluie, c'est des choses qui sont éternelles et qui sont de la matière, mais de la matière pure, quoi. C'est ça qui nous relie. Alors peut-être que moi je vais mourir, hein. Enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr qu'à un moment je vais mourir, ça c'est un peu évident, mais ce que je voulais dire c'est que je vais retourner à cette matière pure et je vais continuer à lutter. Je vais continuer à lutter contre vos trucs immatériels là, de profit personnel, de machin, de je ne sais pas trop quoi, de politicard là, de carriériste, de vas-y j'ai du pouvoir et tout. Moi je vais continuer à lutter là-dedans, dans l'atome même en fait, de cet atome-là qui constitue mon corps et qui constitue mon âme. Et cet atome-là en fait il va jamais mourir, alors que vous, vos billets, bah c'est aussi de l'atome. Je suis déjà dedans, en fait. C'est des petits bouts d'atomes de rien, quoi. Et c'est ça que je veux montrer, en fait. Votre ombre, là, le truc que je vais appeler sombra, là, votre ombre que vous déployez sur nous, partout, en fait. Et ben moi, je sais où est la lumière. À chaque fois, je la vois, cette lumière. Et je sais où elle est précisément, et je sais la sentir. Et tant que je continuerai à la sentir, cette lumière de chaque atome qui vibre, du vivant partout, partout, vous détruisez et vous aseptisez, et vous construisez vos trucs de mort, quoi, de mort. Je veux dire, quand Davier était occupé, ok, ça paraissait sale à tout le monde, enfin, à plein de gens, ça paraissait sale. Moi, ce que je voyais, en fait, c'est que je n'avais jamais vu autant de biodiversité dans le cœur de Nantes. Le cœur de Nantes a repalpité pendant quelques mois. Ok, c'était violent par moments, ok, c'était difficile à plein de niveaux, ok, ça sentait peut-être pas bon pour certains et certaines, parce que les conditions étaient faites pour que tout le monde puisse péter un câble le plus vite possible, hein, donc les sanitaires, machin, tout ça et tout, c'était super compliqué. Mais en fait, au fur et à mesure que tout ça s'est régulé, il y a plein d'oiseaux qui sont arrivés, il y a plein d'animaux qui sont arrivés, il y a eu un truc qui s'est passé. Moi, j'ai revu vivre le cœur de Nantes, pas sous des barrières là, d'un jardin dont on fout des grilles partout, parce que là, ils sont en train de tout grillager. Pire maintenant, non seulement ils mettent des grilles, mais ils mettent des gravats, des bouts de pierre, des trucs, pour pas que la vie existe. C'est quand même fou, quoi. Vous rejetez la vie partout, quoi. Et ben moi, je sais que la lumière, elle est toujours là, en fait. Alors là, j'ai beau, en fait, rentrer dans un truc un peu sombre, et je sais que c'est normal, c'est l'hiver qui arrive. C'est le moment où on pleure nos morts, mais c'est le moment aussi où il faut retrouver ce truc-là. Ce truc de, ok, ben là, on va pleurer très fort. Mais en fait, on va se rendre compte au bout d'un moment qu'on est toujours vivant, cette pulsation, on va la sentir à nouveau, quoi. Alors, ok, je vais rentrer dans l'ombre, je sais pas trop comment et tout. Mais par contre, ce truc-là, qui nous appuyer sur la tête sans arrêt dès qu'on essaye de respirer et tout, vous allez peut-être pouvoir nous tuer en tant qu'individu, Mais l'idée, elle est en train de se déployer partout, là. Et vous le savez, c'est pour ça que vous avez peur, en fait. Je dis vous parce qu'en fait, je sais pas, je sais que c'est pas vous le JDD, en fait, c'est un truc vachement plus large que ça. Et pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est, comme ils disent, là, les apatistes, enfin, dans les textes, et tout l'hydre capitaliste, elle est en train de mourir. Et vous savez que vous êtes en train de mourir. C'est vous qui mourrez, vous pensez nous achever à coups de lacrymo, de tonfa, de balles, de torture, de machin et tout. En réalité, c'est vous qui êtes en train de mourir. Ce monde-là, il est en train de mourir. Alors nous, on va être les dommages collatéraux. Ok, on va être les dommages collatéraux. Il faut que j'accepte au fur et à mesure ce truc-là. Je suis pas un martyr, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut que j'accepte ce truc que, bah, en fait, une bête qui meurt. Elle a des derniers soubresauts avec la queue qui fouette dans l'air, avec les dents, avec une bête qui meurt, elle se bat jusqu'au bout avec l'énergie du désespoir, surtout quand elle est carnivore comme vous, quoi. Mais en fait, vous êtes en train de mourir, c'est vous qui mourrez. Moi, je suis juste un passage, un vent, un grain de lumière, un truc qui passe là. C'est très fou, c'est léger et tout. Par contre, vous, votre ombre, votre truc de merde, là, il est en train de mourir. Et vous le savez. Il faut pas que je l'oublie. Pour pas désespérer, il faut pas que j'oublie que vous êtes en train de mourir. Voilà. Je crois que j'avais besoin de faire ce tour-là. Pour pouvoir continuer.